Abwa Kilupanda Gambo na mwari kibila Fama swe Sona pombie, lilo bayan sepe kuti kalakae, maswe koleka. Tozwana pomwanae, lamora fukoleka kutwa damu na epae, na chante de den. Destin kaboli banzela, kasi malukia suwa kakana vanina morte fukoleka. Liberté au Suaki, l'encore maman, non, son macanisme qui est consacré à cause de la maman. Liberté au Suaki, le colombien, au Suma, Kanisia, qui est consacré à Kosongé, la maman. Banda se moko, moko lo ezali yo kosomba e Mobali mosusu, sengala e seala kisa yo Sayo fuku na ye ya motema e, eto na babo e Zongi sela ye bolimo, loko lana zongi sela kaya papa e Ya ilongi ya tala tala e Rassembleur Chiki Chaka Protocole d'État Tomo etanie Moye kopi makasi Kana motemae Molele makasi Butu ekotie Maina tangi buku Yansambi fanda chenese Tina pokalipse Sana bombie, lilo bayan sampe kuti kalakae, maswe koleka. Tozwana bomwanae, lamora fukoleka kutu etemu na epae, na chante de den. Liberté au Suaki, lokola mwana nyoso makanisa ki kosakana kosongela mamanae. Comme bien dans la vie sa gaillon les déchets on est dans la terre se lo sambo. Na moko la bango tala makasu bako kola. Ayuyuyu. Comme ça la repasse. Je dis, Julien Bateau, ma Champs-Élysées. Guilain Caquet.